de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guinozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Anne-Marie, Marie-Jo et Monique. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle à nos auditeurs? Bon alors je commence, hein. Je m'appelle Anne-Marie et je suis responsable d'une association qui s'appelle France Alzheimer 88. Voilà, bon, on va dire présidente, mais bon, c'est surtout responsable. Moi, je suis Madame Valentin, je suis à l'association comme vice-présidente déléguée depuis 2001. Voilà. Moi, c'est Monique, je suis au conseil d'administration de Alzheimer 88 et je suis bénévole à l'antenne Alzheimer à Remiremont. Et vous faites quoi dans le conseil d'administration? Donc, dans le conseil d'administration, la présidente nous informe de tout ce qu'elle reçoit au niveau de France Alzheimer, des projets que nous allons y réfléchir pour savoir ce que nous allons mettre en place à l'avenir et de l'information aussi sur la maladie d'Alzheimer. Nous allons maintenant parler de l'association France Alzheimer 88. Alors qu'est-ce que c'est cette association? L'association France Alzheimer 88, elle est née en 2001. Elle est née en 2001, à une époque où on parlait pas encore beaucoup de maladie d'Alzheimer. Et elle est partie d'un EHPAD où je travaillais, où il y avait d'autres personnes qui travaillaient. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les familles étaient très peu accompagnées. Et voilà, que c'était très compliqué pour les familles. Donc on a décidé de créer l'association avec des familles qui étaient concernées ou intéressées, hein. Puisque bon, Madame Valentin, il y a eu d'autres, tout un groupe de familles qui se sont groupées. Le docteur Hutin, qui est neurologue, est en retraite maintenant. Et donc, on a commencé à faire cette association et on s'est laissé un petit peu guider par les besoins. Vous savez, France Alzheimer, on a adhéré assez vite à une association nationale qui s'appelle l'Union France Alzheimer. Parce que, bon, les missions de l'association sont multiples. La première mission, c'est l'aide, le soutien, l'accueil, l'écoute, l'information des familles, hein. Alors ça, avec tous les moyens qu'on peut avoir, c'est sûr que on essaye, on reçoit, on fait des permanences, on a de la documentation, on a plein de choses comme ça. On a une autre mission qui est récolter de l'argent pour la recherche, parce que c'est important, hein, recherche aussi bien sur quel médicament, mais aussi comment accompagner les gens, parce que c'est pas si simple que ça. Après, on a une mission de relais au niveau des pouvoirs publics, des besoins des personnes, des besoins des familles. France Alzheimer a été partenaire presque le seul avec le ministère de la Santé pour mettre en place ce qu'on appelle les plans Alzheimer. Il y a eu 3 plans Alzheimer et ces plans Alzheimer ont mis en place ce qui maintenant est devenu banal et dont on parle comme ça, mais les accueils de jour, les unités de vie protégées, plein de structures qui étaient censées mieux accompagner les familles et les malades. Et on a aussi une mission de formation et d'information du grand public et des professionnels, dans le sens où on a un regard sur la maladie d'Alzheimer qui est peut-être un petit peu différent. Et il y a des professionnels à France Alzheimer qui font des formations et il y a les bénévoles des associations qui font des informations au grand public pour dire attention. Alzheimer, c'est pas vraiment ce qu'on pense. On pense que les malades sont dans leur bulle. Non, continuer à accompagner les personnes, continuer à avoir du lien. Hein, c'est parce que c'est une maladie qui isole. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Une fois que quelqu'un a un diagnostic de maladie d'Alzheimer, le malade, il est isolé dans sa maladie, et puis c'est l'isolement du couple, de la famille. Hein. On est très vite isolé. Donc l'idée, c'est de dire, attendez, on peut encore passer des bons moments. Si vous vous faites aider, on peut encore avoir des bons moments avec une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Voilà. Ça, c'est les 4 missions de l'association que nous relayons au niveau du département. Hein. Donc, alors après, on va vous parler des activités. Hein. Monique vous parlera de son antenne. Nous, on peut vous parler de la nôtre aussi. Donc, l'idée, c'est que à Épinal, par exemple, on a le siège social où on a une permanence, où les gens nous téléphonent, où on est en relation avec France Alzheimer, où on est en relation avec les autres associations qui ont aussi quelquefois des bonnes idées. Hein, et qu'on échange. Hein, et puis là qu'on a notre salarié. On a une secrétaire qui est là à un gros mi-temps et qui justement du fait du développement de l'association Au départ, on y avait donc uniquement le siège social. Maintenant, avec cette antenne sur le département, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à faire d'informations pour les antennes, d'aide, de soutien. Donc là, on fonctionne quand même tous les jours. On a un local, je peux. On a un local qui nous est que nous avons à nous. On reçoit les malades, les aidants. Avec pour l'information tous les lundis avec une permanence de 2h à 4h. Il y a quand même toujours cette secrétaire, mais elle n'est pas là tout le temps et on aime bien être là pour répondre, même si maintenant la secrétaire est là, ça fait 15 ans, elle connaît bien la maladie, elle peut répondre quand même. Et donc on fonctionne comme ça le lundi, le mardi on fait nos après-midi conviviels, les mercredis on y va comme ça pour faire les travaux d'intérieur. Le jeudi, on a donc à nouveau nos après-midi conviviales. Et le vendredi, la secrétaire est là encore l'après-midi. On répond au téléphone quand il faut. Voilà, ça c'est vraiment le système de notre organisation à Épinal. À Épinal, où on peut nous toucher toute l'année, sauf en principe, on est fermé tout le mois d'août pour les gens qu'on accueille. Mais la secrétaire, nous on y va. Peut-être pas avec la même rigueur pour le lundi, mais on y va quand même pratiquement tous les jours. Voilà. Alors, sachant que c'est vrai que, comme je disais, on relayait, et on a la chance d'avoir cette secrétaire qui est salariée, on a aussi une psychologue. Parce que, bon, par exemple, tous les mois, on va organiser à Épinal une après-midi relais, avec cette psychologue qui va essayer de conseiller les familles. Voilà. On a aussi en capacité, éventuellement, de faire des groupes de parole. On a à Épinal, on a nos après-midi le mardi et le jeudi, bien sûr, l'après-midi convivial. Mais Monique vous en parlera des après-midi conviviales. C'est la même chose que nous. Mais quelquefois, on fait aussi d'autres activités. On a une activité physique, cuisine le mercredi. Peinture. On a une activité peinture, quelquefois. On amène aussi des personnes à l'écrin à Épinal pour faire de la médiation équine. On a quelqu'un qui vient faire de la médiation animale. On essaye de mettre des activités un peu différentes pour que, justement, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que si on repart sur la maladie d'Alzheimer. Comme disait Madame Valentin tout à l'heure, autant de malades, autant de maladies d'Alzheimer, du moins au début. Quand on parle de maladie d'Alzheimer, on parle de la mémoire. Et il faut bien savoir qu'il n'y a pas que la mémoire. Il y a toutes les fonctions cognitives qui sont atteintes. Toutes ces fonctions qui permettent de comprendre l'environnement et d'y répondre de manière adaptée. Hein? Donc ça veut dire reconnaître l'environnement. Ça, c'est quelquefois un petit peu faussé chez les personnes qui ont des problèmes cognitifs. La possibilité de communiquer. Il y a des personnes qui vont parler très longtemps jusqu'au bout de la maladie, mais il y a des personnes qui vont perdre la parole très vite. Il y a la possibilité de manipuler les objets ou d'aller au bout d'une action. Ça aussi, c'est abîmé. La capacité de raisonner, la capacité de se concentrer. Hein, vous voyez, il y a beaucoup de capacités qui sont atteintes, mais tout le monde n'a pas les mêmes symptômes. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Quand nous, on dit, on peut encore passer des bons moments avec la maladie d'Alzheimer, ça veut dire que nous, il faut qu'on réfléchisse, qu'on dise, qu'est-ce qui pourrait donner du plaisir au maximum des gens qui sont là avec nous? Voilà. Alors, ça peut être, c'est comme vous, moi, nous, on reste des personnes. Alors, on dit, c'est une maladie neurodégénérative, c'est vrai. Et on dit que plus la maladie avance, et c'est vrai que plus la personne est handicapée, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a quelqu'un jusqu'au bout. Et que même des personnes qui sont plus en capacité de communiquer, il y a toujours quelqu'un. J'ai travaillé aussi avec des personnes qui avaient des problèmes cognitifs dans mon boulot, et je peux vous assurer que jusqu'à la fin, il y a quelqu'un qui n'est pas toujours là, Il y a des personnes quelquefois qui ont des réflexions, mais qui sont vraiment vraiment loin dans la maladie. Et vous dites oui, il est là. Il est très sensé. Donc il faut faire très attention. Nous allons faire une première pause musicale avant de continuer de parler de l'association. À tout de suite sur Radio Gémozo. À quel beau pays, mesdames, c'est le paradis des petites femmes. On les aime à l'extrême, et je suis devenue la chérie d'un petit homme du pays qui s'appelle Mélaoli, celui pour qui je palpite. C'est un voir en cause d'un tas de choses. Avant de se mettre au lit, j'apprends la géographie, la Chine et de la Mandchourie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Y a même l'amour, c'est curieux, car aux empires du milieu, celui pour qui je palpite, c'est un ananananananamite. Il est d'une humeur charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, Satan kiki, Satan kiki, Satan kinoise. D'autres me font les doux yeux, mais c'est lui que j'aime le mieux. Mais tout passe et tout lasse, en France, je dus rentrer. Il avait le cœur plein de tristesse de quitter sa petite maîtresse. L'âme en peine, le teint blême, il est venu m'accompagner. Mais avant de nous séparer, je lui dis dans un baiser, mon grand chéri, mon anamite, tu m'as donné des richesses, je t'ai donné des caresses. Je resterai ta petite bourgeoise, ta ton kiki, ta ton kiki, ta ton kinoise. Mon cœur gardera toujours le souvenir de notre amour. Vous parliez tout à l'heure d'hérédité. Hein, on peut en parler peut-être un petit peu. La maladie d'Alzheimer n'est pas héréditaire. La maladie d'Alzheimer, elle n'est pas héréditaire. On dit qu'en France, il y a environ entre 800 000 et 1 million de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Entre parenthèses, on dit que ça fait 3 millions de personnes parce que, on en parlera aussi, c'est une maladie qui impacte beaucoup les aidants. Donc, hein, la maladie d'Alzheimer, c'est 1 million de personnes malades, 800 000 à 1 million. Maladie d'Alzheimer ou apparentée, mais c'est 3 millions de personnes touchées parce que les aidants, les conjoints, les enfants, les petits-enfants, enfin, tous ceux qui entourent la personne sont aussi très impactés. C'est pas une maladie héréditaire. On sait qu'elle touche majoritairement des personnes qui commencent à avoir 75-80 ans. Mais il y a quand même sur 1% de malades jeunes, de malades qui ont les 50, 40, 60, enfin, qui sont des malades jeunes. Et il y a 1% de ces malades jeunes, du moins c'est dans les statistiques il y a quelques années, qui sont des maladies héréditaires, ce qui représente très très peu de personnes. C'est vraiment infime. Après, c'est vrai qu'il peut, comme d'autres maladies, y avoir des prédispositions génétiques ou autres, mais ce sont des maladies qui sont encore tellement mal connues, malgré tout, parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent. On sait pas comment, on connaît les lésions qu'elles provoquent, hein, mais on sait pas comment ça vient, on sait pas ce qui les provoque. Et puis, en plus, c'est une maladie, on n'a pas trouvé on n'a pas encore trouvé de médicament efficace, hein. Donc, le regard sur la personne, justement, qu'on pose sur une personne qui est quelqu'un jusqu'au bout, c'est important, hein, ce regard qu'on pose sur elle. Et justement, toute la qualité de l'accompagnement qu'on peut donner. Voilà. Sachant quand même que, malgré tout, on peut quand même se dire qu'à un moment, cette maladie-là, qu'on croit connaître, comme il y a des modifications sur chaque personne, et qu'à tout moment, elle peut parler comme vous et moi, il faut se dire que quand même le cerveau fonctionne au ralenti, entre guillemets. Et quand vous faites une conversation, par exemple, quand vous passez à un deuxième sujet, la personne malade, elle en est toujours au premier. Et si jamais elle amène sa réponse à ce qui s'était passé en premier, on va dire qu'elle est folle. Parce que ça a travaillé, vous comprenez, ça a travaillé. Hein, elle met plus de temps, donc on a l'impression que... Bon, mais quelquefois, on est très surpris. Je peux vous raconter une petite histoire. On a le droit de raconter des petites histoires, même drôles. Bien sûr. Bon, on accueillait dans notre après-midi convivial un couple il y a très longtemps. C'était tout au début. La dame était très avancée dans la maladie d'Alzheimer. Elle s'appelait Ginette. Enfin, et alors elle avait à peu près tous les troubles, hein. La mémoire, les apraxies. Elle savait plus trop manipuler les objets. Les agnosies. Elle avait du mal à reconnaître son environnement. Hein. La parole. Elle parlait plus. Elle parlait plus avec son mari de toute la semaine. Et bon, il l'amenait donc à l'époque on était que les jeudis. Donc il l'amenait tous les jeudis avec nous. Et quand je vous parle des après-midi conviviales, on essaye aussi dans nos après-midi conviviales que les gens aient du plaisir. Mais ce qui donne du plaisir aussi, c'est être acteur de quelque chose et pas uniquement consommateur ou spectateur. Hein. Donc on essaye de rendre les gens acteurs. Et Ginette aussi, il n'y avait pas de raison. Donc le travail de Ginette et moi, c'était de ranger la vaisselle. Mais alors il fallait dire à Ginette, Ginette, s'il vous plaît, passez-moi les petites cuillères en lui montrant, parce qu'elle savait plus ce que c'était que les petites cuillères. Donc Ginette me passe les petites cuillères, je les range. Ginette, s'il vous plaît, passez-moi les verres en lui montrant les verres. Elle prend les verres, je les range. Et puis Ginette, passez-moi les assiettes, s'il vous plaît. Ginette prend les assiettes. Et bon, comme on est dans une ambiance un petit peu rigolote, je fais semblant de lâcher les assiettes. Et là, Ginette, qui n'avait pas parlé depuis 8 jours, dit ah, « T'es con, fais attention ». Donc quelque part, alors qu'elle était soi-disant aphasique et incapable de parler, là, elle a dit la bonne chose au bon moment. Vous voyez, c'est quelquefois... Il ne faut jamais sous-estimer les personnes qui ont des problèmes cognitifs. Jamais. Ils sont toujours capables d'eux. Par contre, tout à l'heure, vous posiez la question, est-ce qu'on peut prévoir? Et voilà. Il faut quand même se dire que quand on s'aperçoit des premiers symptômes, la maladie est en place depuis déjà 5 ans. Plus même. Hein, 5, voire mais normalement, ouais. Au bout de 5 ans, on voit déjà, alors qu'il y a déjà la maladie bien là, hein, de toute façon. Alors, vous disiez, il y a des signes précurseurs. Oui, le changement de comportement, le changement de caractère de la personne malade. Ça fait dans les signes. Après, chacun est différent. On parle aussi de personnes dans leur bulle, c'est pas vrai. Les personnes, elles sont pas dans leur bulle. Et quand, vous savez, au fur et à mesure du temps, les gens, ils s'aperçoivent qu'ils sont plus en capacité de faire certaines choses. Donc, quelque part, ils sont humiliés, ils sont en échec. Ils se sentent en échec. Bon, alors, ils deviennent très souvent un petit peu dépressifs. Et ils se renferment un peu sur eux-mêmes. Ils se sentent agressés par l'entourage parce qu'ils ne le comprennent plus. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils changent de caractère et de comportement. Hein, vous voyez, on va dire que ce n'est pas des signes précurseurs, c'est des signes déjà de quand la maladie est déjà un peu installée. Hein, ou bien vous avez des personnes bon, qui vont... bien sûr, la mémoire, hein, on oublie. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses que même quand on n'est pas malade, on oublie aussi. Mais c'est des oublis, beaucoup d'oublis, quelquefois des problèmes d'orientation dans l'espace. Hein, des gens qui se perdent. Alors du coup, vous avez la dame qui avait l'habitude de prendre le bus, puis un jour elle se perd, donc du coup, elle ne sort plus. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une maladie qui isole, c'est aussi dans ce sens-là. Hein, donc, signes précurseurs, c'est des maladies très vicieuses qui arrivent très doucement. Hein, et souvent, l'entourage est aussi dans le déni. C'est-à-dire que quand la personne répète plusieurs fois la même chose, ou pose plusieurs fois la même question, ou commence à avoir des petits troubles, elle va dire, elle est fatiguée. Il y a eu ça. On va cacher un petit peu. Il va y avoir ce déni de la personne qui est malade et ce déni de la personne aidante, qui fait que la maladie, elle évolue d'une manière très vicieuse, un petit peu comme ça. Et bon, puis après, quand vraiment les troubles sont installés, il n'y a plus de doute possible, on va dire. Tout à l'heure, vous avez posé la question, est-ce que quand la personne a le diagnostic, est-ce que son comportement change? Et oui, c'est pour ça que moi... On est quand même un groupe de bénévoles. On n'a pas tous le même avis sur le diagnostic. Et on avait une patiente, comme on peut dire, qui venait à notre association l'après-midi. Et cette dame-là, elle avait des problèmes d'ouïe. Et son mari avait pensé que c'était l'ouïe. Au bout d'un certain temps, il a bien vu qu'il y avait des troubles. Donc, il l'a emmené chez le neurologue qui lui a dit écoutez, on va faire un test, on va faire une ponction lombaire. Vous êtes d'accord? Sans le neurologue, sans trop dire ce que vous ferez si jamais on vous dit vous avez la maladie d'Alzheimer, ce que vous êtes prêt à entendre déjà. Et cette dame-là, c'était une dame qui faisait de la gym, qui allait au jardin, qui allait à la piscine, qui allait au marché. Donc, ils ont fait la ponction lombaire. Et 6 mois après, quand ils retournent chez le neurologue dit « vous avez la maladie d'Alzheimer », qui dit à la dame. Et la dame-là, elle a la gymnastique avec moi. Elle venait chez nous. Hein. Et je lui dis, tu viendras à la gym lundi. Ah non, non, non, j'ai la maladie d'Alzheimer. Alors qu'en fait, elle faisait encore ces activités-là. Elle ne se perdait pas. Elle pouvait encore faire ces choses-là. Alors après, voilà, c'est vrai que ça, c'est un vrai dilemme. Parce que quelque part, on se dit, Pourquoi faire un diagnostic pour une maladie où il n'y a pas de médicament, hein? Parce que d'un côté, ça peut faire traumatiser la personne. Bon. Alors, moi, je pense que c'est important de faire le diagnostic. Déjà, premièrement, même s'il n'y a pas de médicament encore qui existe, ça viendra. Donc, les personnes qui auront été dépistées un peu précocement auront plus de chances de bénéficier de ces traitements et de pouvoir, bon, éventuellement, enrayer ou freiner la maladie. Ça, c'est une chose. Après, c'est important aussi pour les aidants d'avoir un diagnostic. Parce que c'est très déstabilisant, quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour ça va, une heure ça va, une heure ça va pas. Et au bout d'un moment, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les aidants sont très impactés par la maladie de la personne. Et donc, au bout d'un moment, ils supportent plus, quoi. Hein, ils disent, mais c'est pas possible, elle le fait exprès. Quand on a un diagnostic sur la maladie, c'est différent. Alors après, c'est important aussi parce que ça va peut-être permettre d'avoir plus d'aide. Je parlais d'accompagnement tout à l'heure, hein, et peut-être d'être plus aidé quand on a un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Voilà. Hein, d'avoir la, voilà. Donc c'est quand même et pour certaines personnes malades aussi, vous savez, certaines personnes malades sentent qu'elles sont pas bien et quelque part avoir un diagnostic au moins, je suis pas folle, j'ai un problème de mémoire, j'ai une maladie de la mémoire, j'ai une maladie, voilà. Il y en a qui disent j'ai la maladie. Il y en a qui ont oublié le nom, ce qui d'un autre côté, c'est presque plus intéressant quand elles oublient qu'on leur a dit vous avez la maladie d'Alzheimer. Même si au début, quand elles vont vers le diagnostic, elles savent qu'elles ont des troubles. Qu'est-ce qui provoque ça, ne sait pas, mais elles savent qu'elles ont des troubles. Mais à la limite, moi je dis, vaut encore mieux qu'elles oublient un petit peu, parce que leur comportement est moins modifié au cours des jours. C'est à nous de s'adapter après. Hein. Et puis il y a la période d'acceptation, et c'est aussi bien pour les dents que les dés. Donc ça c'est une période qui est très dure à passer et à accepter. C'est-à-dire qu'on fait ménage à trois. Hein, on fait ménage à trois, il y a la personne malade et la personne et sa maladie d'Alzheimer. Et je pense que ça, c'est compliqué pour l'aidant et pour le malade. Hein, vous voyez ce que je veux dire, il y a tout d'un coup un truc qui est là au milieu. Et alors, d'où l'importance de se faire aider pour les aidants. Parce que sinon, ils s'en sortent pas. Il y a beaucoup de choses. Alors, les associations proposent des choses. Et d'autres structures, hein, on n'est pas les seuls, hein, le monopole. Mais et justement, il y a des possibilités qui sont quand même intéressantes. Il y a tout ce qui est formation pour les aidants. Moi, je suis, je pense que quand un aidant sait ce qui se passe, dans la tête de son conjoint, eh ben il va peut-être plus savoir. Ouais, s'il dit il trouve le temps long, il a plus de repères dans le temps. Eh ben si on écrit les choses sur un tableau, peut-être que il va plus pouvoir se repérer parce qu'il saura que je suis partie faire les courses, il aura pas la trouille. Bon, il y a toutes ces petites choses qui sont de formation qui permettent peut-être d'améliorer le quotidien. Après, il y a aussi le répit. Moi, je pense les accueils de jour. Il y a ce que nous, on propose, parce qu'il y a des personnes qui ont très peur de l'accueil de jour. L'accueil de jour, ça reste entrer dans structure, entrer dans une maison de retraite. Tous les accueils de jour qui existent dans les Vosges sont dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Donc, c'est compliqué hein, de faire le pas. Donc, nous, ce qu'on propose. Et puis, c'est aussi compliqué de confier la personne qu'on connaît, qu'on aime, avec qui on a vécu 50, 60, 70 ans, de la confier à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme une maman qui confie son enfant à une crèche. Hein, attention, j'infantilise pas. Hein, mais voilà, c'est cette démarche-là de confier quelqu'un qu'on aime à d'autres, et c'est compliqué. Et donc, mais c'est, je pense, si les personnes veulent vivre le plus longtemps possible ensemble, c'est vraiment impératif de trouver des moments de répit. De répit pour la personne qui aide, et je continue à le dire parce que c'est vrai qu'elle a besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour elle, d'aller faire des courses tranquilles, de pouvoir faire la sieste, de pouvoir aller courir avec les copines, de pouvoir aller boire un thé, d'avoir du temps pour elle pour pouvoir vider un petit peu la pression hein, qu'elle peut avoir. Mais je parle aussi de répit pour la personne malade qui est vue tout le temps en négatif, parce qu'elle est vue en une personne qui a perdu, c'est vrai. Elle sait plus faire ça, sait plus faire ça, elle sait plus faire ça. Alors même si l'aidant ne lui dit pas tout le temps, elle se rend bien compte, hein, que voilà. Et donc le fait de se retrouver avec des personnes qui ne la connaissaient pas avant et qui vont la prendre telle qu'elle est. Et ben, on va lui proposer des choses à faire. Vous savez, une fois, j'étais très surpris. Il y a une dame qui faisait plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Du moins, son mari me disait, elle fait plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Bon, d'accord, ben, elle fait plus rien. Hein. Et ben, je lui ai dit, écoutez, Janie, est-ce que vous voulez nous aider à faire la vaisselle? Je lui ai donné un torchon pour faire la vaisselle. Elle avait un sourire jusque-là. Je vous dis pas, hein, bon, des petites choses comme ça. On va lui proposer ces petites choses-là. Et ça va la valoriser. Elle va dire, voilà, enfin, on me reconnaît. C'est important. C'est important. Hein. Mmh. Voilà. Donc, et puis, il y a beaucoup d'autres choses qui sont proposées, alors par l'association et par d'autres. Hein, mais moi, bon, je vais faire de la pub pour notre association quand même. Mmh. Hein, comme je disais tout à l'heure, on fait des sorties, on fait des activités, on fait des. Et on a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que les aidants peuvent venir dans nos après-midi conviviales. Les aidants peuvent venir aussi, et ils vont rencontrer d'autres aidants, ou ils vont parler avec d'autres aidants. Hein. Et puis, on a aussi des personnes qui sont toutes seules à domicile et qui ne veulent pas trop aller en accueil de jour. On accueille aussi des personnes qui sont toutes seules à domicile et qui sont très isolées, alors doublement isolées, parce que bon, elles n'osent plus sortir. Voilà. On a aussi donc ça, c'est un peu notre spécificité, hein, par rapport à tout ce qui va être structure, que je descends pas, hein, mais au contraire, parce que justement, nos après-midi conviviales, on dit que c'est un petit peu un palier entre le pas d'aide du tout puis l'acceptation de l'aide. On a beaucoup de personnes qui viennent chez nous, eh ben, ils vont deux jours par semaine en accueil du jour, et puis ils viennent deux jours chez nous, hein, c'est pas incompatible, hein, voilà. Sachant que chez nous, on paye 30 euros d'adhésion pour l'année. La personne est assurée, et puis voilà, pour 30 euros, alors que c'est sûr que pour l'année, alors c'est sûr que si les gens n'ont pas trop les moyens, s'ils veulent les mettre en accueil de jour pour justement soulager, oui, mais ils ont quand même, le tarif n'est pas le même, hein, c'est à la journée, c'est presque le prix de notre adhésion pour l'année. Hein. Voilà. Alors après, Monique, elle peut vous dire ce qu'on fait hein, dans nos après-midi conviviales. Hein. Allez. Alors nous, moi je suis sur l'antenne de Remiremont avec Martine qui est responsable donc de l'antenne. Donc nous accueillons donc les aidés et les aidants tous les lundis, donc de 13h45 à 16h le lundi et le vendredi de 13h45 à 16h30. Donc nous partageons avec les malades des jeux, des confections de pâtisserie, le temps de parole, parce que le temps de parole est important, le chant, parce que ça, nos anciens n'ont pas oublié le chant. Voilà, nous faisons un goûter. Nous partageons aussi tous les mois avec les enfants du centre social de l'intergénérationnel. Nous avons les 4-6 ans du centre social qui viennent partager un après-midi, les mercredis, pour faire des jeux, pour discuter, pour rire, bien entendu, parce que l'intergénérationnel, c'est quelque chose qui est très important, justement, pour ces malades, parce que c'est le moment où ils oublient ce qu'ils ont à domicile. Nos rencontres, c'est des moments d'oubli de domicile, et ça, c'est important quand même pour les aider. Maintenant, nous accueillons les aidés, comme disait Anne-Marie, nous essayons de les réunir ensemble pour faire des jeux qu'ils ont connus, comme de la belote, du scrabble, du triominos, tous des jeux. Et nous laissons les aidants entre eux, parce qu'entre eux, ils partagent, et c'est là qu'ils se retrouvent en disant bah, « ce que je vis, l'autre le vit, mais je ne le voyais pas avant que de franchir les portes de l'antenne, parce que c'est l'isolement, et on rejoint toujours ce que dit Anne-Marie et Marie-Jo. C'est que au départ, ils se croient tout seuls, et puis une fois qu'ils ont fait le premier pas, parce que le premier pas, c'est là que c'est dur. C'est dur à franchir la porte, c'est dur à savoir qui ils vont trouver derrière. Mais comme on leur dit, nous, on est là pour vous accueillir et vous faire passer de bons moments. Et quand ils sont venus la première fois, c'est la première fois qu'ils écoutent. Une fois qu'ils ont franchi la porte, ils reviennent à nos après-midi conviviaux deux fois par semaine. Mais là, on les voit sur un autre œil et eux, ils ont compris que nous, on était là pour les aider. Ouais, justement, donc, je coupe Monique deux minutes parce que c'est important. Mmh. Elle a dit partager, elle l'a dit plein de fois, mais c'est vrai, on partage des petits morceaux de vie. Alors on partage des petits morceaux de vie, on est des bénévoles, ça on l'a pas dit, on est des bénévoles et on partage des petits morceaux de vie, on est compagnons des personnes, pas des soignants, hein, pas des thérapeutes, mais malgré tout, attention, j'ai dit, on fait pas d'atelier mémoire, on fait pas d'atelier au sens atelier, mais et ben, le fait de parler à d'autres, c'est stimulant. Le fait de jouer à des jeux, même si on c'est plus trop tout seul et qu'il faut un bénévole avec vous, c'est stimulant. Le fait, voilà, toutes ces petites choses-là, eh ben, ça stimule la mémoire, ça stimule les facultés, ça stimule ce qu'on sait encore faire. Hein. C'est quelque chose, c'est pas thérapeutique, mais un petit peu quand même. Voilà, je voulais juste te dire. Alors, nous, nos rencontres, elles ont lieu, donc, au CCAS, place du Batardeau à Remiremont, au deuxième étage. Alors nous, on ferme toujours un mois pendant l'été, parce que souvent, ces aidants et ces aidés partent aussi en vacances. Ils ont de la famille, mais ils sont impatients de retrouver l'antenne, parce que nous, on est obligés de prendre un peu aussi de temps pour nous. Donc, tous les bénévoles sont formés, justement, par France Alzheimer et Alzheimer 88. Donc, nous faisons un rappel tous les ans à Épinal. Donc, voilà. Nous sommes à l'écoute et nous sommes là pour aider et non pour juger. C'est très important. Nous ne sommes pas là pour juger. Mais quand on voit le sourire des personnes quand elles repartent, pour nous, on sait qu'on a fait quelque chose d'important en tant que bénévole et c'est là le but. L'atelier de couture est en fête. On oublie l'ouvrage un instant. Car c'est aujourd'hui Marinette. Bien juste d'avoir ses 20 ans. Trottin, petites mains et premières ont tout apporté des gâteaux. Et Marinette offrant le porto dit joyeuse en levant son verre. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Ce jour-là passe hélas trop vite. C'est pourquoi faut qu'on en profite. Si le patron nous fait les gros yeux, on dira faut bien rire un peu. Tant pis si vous n'êtes pas content, on n'a pas tous les jours 20 ans. Patron donne congé à ses petites, et comme le printemps leur sourit, à la campagne elles vont tout de suite chercher un beau petit coin fleuri. Dans une auberge en pleine verdure, elle déjeune sur le bord de l'eau, puis valse au son d'un phono, en chantant pour marquer la mesure. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. C'est le jour le plus beau de la vie, alors on peut faire des folies. L'occasion, il faut la saisir. Payons-nous un petit peu de plaisir. Nous n'en ferons pas toujours autant. On n'a pas tous les jours 20 ans. Tous les amoureux de ces demoiselles sont venus le soir à leur tour. Et l'on entend sous les tonnelles chanter quelques duos d'amour. Passant par là, prêtant l'oreille, un bon vieux s'arrête en chemin, à sa femme en prenant la main, lui dit souviens-toi ma bonne vieille, on n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement, et quand vient l'heure de la vieillesse, on apprécie mieux la jeunesse, de ce beau temps si vite passé. on n'en profite jamais assez. Et plus tard on dit tristement, on n'a pas tous les jours 20 ans. Et plus tard on dit tristement, on n'a pas tous les jours. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Anne-Marie, Marie-Jo et Monique. Alors moi j'avais une petite question concernant le diagnostic. Est-ce que ça peut se voir sur une imagerie médicale, par exemple la maladie d'Alzheimer ou pas ? Alors bon, c'est vrai qu'il y a les IRM qui peuvent donner quand même des indices, hein, surtout l'IRM. Disons que y a l'imagerie médicale, elle a plusieurs fonctions. Quand il y a un problème au niveau du... Enfin, la personne commence à avoir des pertes de mémoire, on ne sait pas trop. Donc il est important déjà de faire à ce moment-là un diagnostic dit... différentiel, c'est-à-dire pour enlever toutes les possibilités d'autres maladies. Ça ressemble quelquefois à une dépression. Il peut y avoir un problème de tumeur au niveau du cerveau, donc là, le scanner ou la radio vont être importantes. Vous voyez, bon, déjà au niveau du diagnostic différentiel, ça va être important. Après, dans l'imagerie médicale, on parle surtout de l'IRM, hein, qui montre des lésions, hein, des zones lésées au niveau du cerveau. Voilà. Après, les maladies, alors. Moi, j'avais entendu parler d'une étude déjà il y a très longtemps, mais c'est pour ça. On est sur un groupe de personnes qui avaient à peu près la même vie, qui avaient à peu près la même façon de vivre, hein, vraiment. Elles avaient toutes accepté de donner leur cerveau pour faire des études après, hein, à la science. Et puis pendant toute leur vieillesse, on va dire, elles avaient fait des tests réguliers. Et après, on s'est aperçu, quand ces personnes sont décédées et qu'on a fait les analyses du cerveau, que les lésions n'étaient pas... L'importance des lésions n'était pas en relation avec l'importance des troubles qui avaient été révélés dans les tests, vous voyez ? Alors, voilà, bon, c'est vrai que ça peut se voir, s'il y a des lésions au niveau du cerveau, c'est sûr, voilà, ça fait pas tout. C'est surtout pour le diagnostic, ce qui va donner le diagnostic, je pense, c'est les tests psychotechniques. Hein, c'est parce que, voilà, un diagnostic de maladie Alzheimer ou de maladie apparentée, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Alors, pour la maladie d'Alzheimer, on va dire, ce qui va être probant, c'est la ponction lombaire, qui va donner un résultat par rapport à la protéine tau, à la protéine amyloïde, des résultats vraiment probants. Et puis après, il y a toute la batterie de tests que les neurologues, gériatres ou psychiatres peuvent faire à leurs patients, hein, et qui vont pouvoir donner un diagnostic. Voilà. Dans les Vosges, nous sommes très bien pourvus, on a beaucoup de chance. Je parlais du docteur Hutin tout à l'heure, qui a mis en place quand même des systèmes dans toutes les grandes, enfin Neuchâtel, Remiremont, Vittel, enfin bon. Et il y avait des neurologues, des gériatres et des psychiatres qui étaient en capacité de faire un diagnostic. Et il y avait une consulte mémoire à la Maison Saint-Jean, hein, qui permettait d'étudier les cas qui étaient un petit peu plus compliqués. Alors les médecins des différents endroits qui avaient des soucis par rapport à un diagnostic, c'est pas si simple, hein. Quelquefois, il y a des choses qui sont... Eh bien, venez se retrouver, échanger sur ça. Alors, comment est-ce que vous aidez les familles, vous ? Bon, comment on aide les familles ? Alors, on propose, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'association, on a de la chance aussi. Quand on a beaucoup de bénévoles. Quand on parle de France Alzheimer, l'Union France Alzheimer nous aide. Alors, par exemple, on a beaucoup de plaquettes qui peuvent donner des conseils bien précis pour les familles. Bien précis pour les familles. On a aussi une aide, je vous parlais de la psychologue tout à l'heure. La psychologue, elle peut aussi faire des entretiens téléphoniques ou des entretiens individuels. Oui. Elle fait aussi, donc je vous ai parlé, des après-midi relais. Des alt-relais. Après, il y a tout ce qui est la formation pour les aidants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup d'actions qui sont ce qu'on va dire modélisées par France Alzheimer. Quand on dit ça, c'est souvent des actions qui ont été mises en place par des associations. France Alzheimer, on est 100 associations. Hein, qui France, sont quand on parle de l'Union, dans tous les départements français, il y a une association France Alzheimer, y compris les départements d'outre-mer. Hein. Donc ça veut dire que c'est quand même un poids aussi au niveau de l'État, hein, quand on veut faire. Donc c'est un poids. Et donc cette union, alors vous savez, dans une association, on met en route quelque chose. Comme nous, les après-midi conviviales, on était les premiers à les mettre en route. Hein, on met en route quelque chose, et puis ça marche. Alors du coup, France Alzheimer a dit c'est super. Donc on va dire, on va modéliser l'action. C'est-à-dire qu'on va peut-être donner un petit peu d'argent pour que les gens puissent refaire cette action dans les autres départements. Voilà. Alors on a plein d'actions modélisées qui sont proposées par France Alzheimer. Mais les aidants, on les aide surtout par l'écoute et par le compagnonnage et par le partage dont parlait Monique tout à l'heure. Hein, c'est dire, vous savez, dans nos après-midi, les gens, c'est un peu comme une famille. C'est un peu idiot de dire ça, mais c'est un peu comme une famille. Hein, et ça, c'est aidant. Hein, ça veut dire que quand il y en a un qui est pas là depuis longtemps, on l'appelle, on lui dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe, Michel, qu'est-ce que tu dis, t'es malade, ça va pas. Hein, voilà. Et puis ils s'appellent entre eux. Les familles, elles s'appellent entre elles parce qu'elles ont fait connaissance, elles ont discuté, elles ont échangé. Et je pense que ça, voilà, cet aspect-là aussi est important. Puis il y a les bénévoles, hein, évidemment, les bénévoles qui sont là, mais voilà, on essaye de faire un petit peu une famille. C'est plus que de la convivialité. Enfin, je le ressens comme ça, moi. On leur fait une sortie par tous les 3 mois. J'organise des sorties tous les 3 mois. Justement, depuis le matin, vers 10h, on part au car avec les aidants et les malades. Et on va manger au restaurant parce que ça, c'est un plaisir que l'aidant ne peut plus faire seul parce que certains malades ne mangent pas comme il faut, ne mangent plus comme il faut. Alors, je demande, quand je fais la réservation restaurant, que nos malades, enfin notre groupe, ne soit pas parqué dans une salle parce que c'est normal qu'ils soient avec le tout public. Ça peut arriver à tout le monde. Et les malades sont comme vous et moi, j'insiste, parce qu'il y a des moments, ils sont vraiment réceptifs, il ne faut pas croire. Donc on ne doit pas les regarder comme une bête curieuse. Et ça, les gens aiment beaucoup nos sorties, alors qu'ils sont, au départ, on a fait un marché de Noël, après on va leur faire aller voir un parc animalier, on va les tissages de Ventron, des choses un peu intéressantes. Puis on revient le soir vers 5h30, les gens sont vraiment ravis d'avoir pu sortir, c'est un peu la liberté. Et puis, comme on est entouré de bénévoles, les aidants qui veulent, je ne vais pas dire faire bande à part, mais un petit peu discuter avec un autre aidant, il sait qu'il y a quelqu'un pour s'occuper de son malade. Et puis nous, à Remiremont, on partage aussi des repas dans notre antenne. De temps en temps, on va au restaurant aussi. Chaque antenne fait un peu sa façon de... d'amener du plaisir aux gens. Voilà. Donc nous, de temps en temps, on va 2-3 fois dans l'année, on fait des restaurants avec notre secteur sur Remiremont. Et puis les autres antennes, ça se passe aussi. Il y a le siège social à Épinal. Dans chaque antenne, il y a un responsable d'antenne qui gère l'antenne. Comme il ressent, hein, on suit un petit peu les personnes. On suit un petit peu les personnes. Les personnes de Remiremont, elles ont peut-être pas les mêmes envies que celles de Vittel. Hein, les personnes de Vittel n'ont pas les mêmes envies que celles de Gérardmer. Alors, les responsables d'antenne, leur rôle, c'est de s'adapter aux besoins et aux envies. Nous, par exemple, on propose. Il y a des choses qui marchent à Épinal qui marchent pas à Remiremont, et puis l'inverse. Hein, parce que quand on essaye de mettre quelque chose de nouveau en place. On dit, ben voilà, qu'est-ce qu'il veut essayer? Alors, chez nous, ça a marché. À Remiremont, ça n'a pas marché. Mais à Vittel, ça a marché. Puis à Gérardmer, ça n'a pas marché. Puis voilà, hein, on essaye de se calquer. Ben, on connaît un peu les familles que l'on reçoit. Donc, nous, on fait à proportion des familles que l'on reçoit. Quelle est leur demande et qu'est-ce qu'ils aiment? Donc, et on juge d'après leur précédent, ce qu'ils ont fait dans leur vie, leur métier et tout ça. C'est ce qui nous permet de faire du dialogue, c'est essayer de connaître le précédent qu'ils ont eu. Et c'est par le précédent qu'on arrive à lier des liens dans nos après-midi de partage. Parce qu'on travaille sur ce qu'ils ont fait avant. Voilà. Oui, c'est l'histoire de vie. C'est l'histoire de vie d'avant. Mais ce qu'ils n'ont pas oublié, ça. Et ça les valorise. Et ça valorise les gens. Et ils voient qu'on est là dans leur intérêt. Et ça apporte énormément. Parce que souvent, comme on est du secteur, quand on est du secteur, on a tendance à connaître ou à certains bénévoles, on connaît un petit peu l'antécédent des familles, parce que ce sont des gens quand même du secteur que l'on reçoit, puisqu'on a nos antennes tout autour d'Épinal, et nous, pour Remiremont, c'est notre secteur, donc nos alentours de Remiremont. Et nous savons aussi qu'il y a des familles qui n'osent pas franchir le pas, et quand elles savent qu'une telle ou un tel bénévole est là, elles ont la facilité de venir, parce qu'elles sentent qu'il y a quelqu'un qu'elles connaissent. Donc, c'est une facilité. Et c'est ça qui est important pour faire le premier pas pour venir dans les antennes, que ce soit à Miremont ou ailleurs. Hein. C'est les connaissances des bénévoles, c'est ça qui est important. Alors il y a ça, et il y a aussi, alors ça c'est important parce qu'on est dans un maillage aussi, c'est-à-dire qu'on travaille, on va dire travaille, c'est pas vraiment travailler, hein, en collaboration avec le DAC, le dispositif d'appui à la coordination qui a remplacé la MAIA. On a des travaux aussi avec l'ESA, l'équipe spécialisée Alzheimer à domicile, hein, qui nous dirige des gens, qui disent vous pourriez peut-être voilà. Hein, on a aussi ces relais là qui nous aident bien. Hein, ça marche dans les aussi. Deux sens. Le clic aussi, bien sûr. Et un bon relais pour nous. Et puis, il y a aussi Régévo à Saint-Nabord qui font eux aussi des trucs, mais qui sont différentes de nous. Et il faut savoir que nous, sur Remiremont et toutes les antennes, c'est-à-dire qu'une fois que l'aidé s'en va, l'aidant sait qu'il peut toujours continuer de venir partager avec nous les après-midi. Et ça ne se fait pas dans d'autres structures. Donc nous, on garde les aidants. Et les aidants sont contents que, malgré que le conjoint est parti, ils peuvent toujours compter sur nous et partager avec nous. Et ils sont très utiles pour la suite des nouveaux arrivants, de nouveaux malades qui viennent. Et ça, c'est vraiment important. Faut savoir que nous sommes comme une famille. Nous sommes une famille pour eux, et quand on voit le retour qu'on en a après, ce n'est que du bénéfique pour les bénévoles qui viennent régulièrement, deux fois par semaine à l'antenne à Remiremont. Moi, j'avais une question, c'est est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage ou une connaissance qui a atteint de la maladie d'Alzheimer qui a fait que ça vous a donné envie de rejoindre l'association France Alzheimer 88? Alors bon, moi au départ, c'est vrai que quand on a commencé l'association, bon, il y avait mon travail, mais j'avais aussi des personnes qui étaient touchées dans la famille. Et c'est vrai que c'était très traumatisant parce qu'à l'époque, non seulement on donnait pas de diagnostic, mais quand vous aviez une personne qui avait qui décompensait un peu une maladie d'Alzheimer, se retrouvait vite à Ravenel. C'était très compliqué. Dans les années 2000, franchement, il y avait rien du tout. Rien. Il y a eu les 6 premières places d'accueil de jour qui sont arrivées dans les Vosges, c'était à Épinal, et c'est tout vraiment de 2002-2003. Mais il n'y avait aucun service qui... Voilà, on a dit, elle a une maladie d'Alzheimer, point. Et débrouillez-vous maintenant, quand on fait un diagnostic, on va dire, vous avez une maladie d'Alzheimer, mais alors on va peut-être pouvoir mettre ça en place pour vous aider, ou bien peut-être mettre ça en place, ou bien vous allez pouvoir faire de l'orthophonie un petit peu, ou bien on peut peut-être vous apporter les repas, parce que si vous savez plus trop, on va proposer des choses à la personne. Mais je vous assure que là, en 2000, c'était rien du tout. C'était, elle a une maladie d'Alzheimer, tac, chaud. Et c'est ça aussi qui était très compliqué. Et bon, en fait, il y a eu deux dans la famille et c'était pas évident. Et c'est vrai que ça, on comprend quand même, être aidant, c'est pas simple. Et vous ? Alors moi, je n'ai pas de malade autour de moi, mais j'étais présidente du comité d'accueil des anciens de Remiremont où j'ai côtoyé beaucoup de personnes âgées. Et quand ils reviennent, c'est un retour qu'on leur donne. Ils nous ont aidés. On a travaillé ensemble pendant longtemps. Et puis quand ils arrivent là, qu'ils disent « Ah, vous êtes là ?» oui. Donc, c'est la continuité des personnes âgées pour moi. Parce que, ça peut nous toucher demain. Personne n'est à l'abri de ça. Et on aimerait bien que quelqu'un... prennent le relais comme nous à la suite, pour faire une suite à ça, parce que c'est une maladie qui peut toucher n'importe qui. Moi aussi, mon mari a eu la maladie de Parkinson. Alors c'est quand même, en fin de maladie, il y a quand même beaucoup de confusion. Et j'ai rencontré le docteur Hutin à ce moment-là. C'est lui qui m'a dit, on constitue une association Alzheimer, est-ce que vous voulez venir? Voilà. Et c'est comme ça que j'ai démarré en 2001. Alors moi, j'avais une autre question, parce que la plupart de la société d'aujourd'hui se dit « Oui, les personnes perdent un peu la tête, parce que voilà, c'est l'âge. » Alors, il y en a qui confondent démence sénile et maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Démence sénile, ça n'existe pas. C'est ce qui était sur votre site internet, c'est pour ça que je vous laisse la parole dessus. Justement, déjà démence. Je suis accrochée au plafond. Mm-hmm. Bon, je sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un terme médical. Sénile, ça voudrait dire, en fait, qu'on perd la tête parce qu'on est vieux. Alors, c'est sûr, en vieillissant, je pense que, en vieillissant, si on perd ses facultés, je pense que c'est, derrière, il y a une pathologie, hein, qui peut être multiple, hein, ça peut, c'est parce que, l'irrigation cérébrale, ça peut être parce qu'on a fait un petit AVC, ça peut être parce que on a des cellules qui dégénèrent un petit peu. Mais dire que, vous voyez, dire froidement, démence sénile, c'est horrible, parce que ça voudrait dire que parce qu'on est vieux, on perd ses capacités. Si on perd ses capacités, c'est parce que derrière, il y a une pathologie. Voilà. Hein. C'est pas comme ça, t'es vieux et tout d'un coup. Moi, je connais des gens qui ont 95 ans et qui ont appris à servir d'Internet alors qu'ils savaient pas. Hein. Si c'était vraiment irrémédiable cette histoire, t'es vieux et tu perds la tête, voilà. Vous connaissez aussi plein de gens qui ont, des plus de 90 ans et quelquefois encore plus. Alors, je dis pas qu'ils font le 100 mètres en 10 secondes, hein, on est d'accord, parce que c'est sûr, il y a l'usure. Mais dans la tête, ils sont encore clairs. Donc, je pense qu'il faut pas, il faut faire attention à ça. C'est trop facile, quoi. Alors après, je dis, si des personnes perdent leur capacité cognitive, c'est parce qu'il y a une pathologie. Elles sont malades. Voilà, il y a une maladie derrière. Il y a une maladie derrière. Alors bon, c'est sûr, hein, on peut. Si on a trop fumé, on a peut-être les artères encrassées. Si on a, vous voyez, j'en sais rien. Hein, ça peut être beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose. C'est pas irrémédiable. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on perd la tête. Tellement sénile, c'est horrible. Et il faut dire que les personnes qui cette maladie, quand on les côtoie, que ce soit nous dans nos antennes ou dans les EHPAD, ces personnes sont très intéressantes. Ce n'est pas parce qu'elles ont pu toute leur capacité de l'instant, de présent, qu'elles ont des antécédents. Et ces antécédents, elles ne les oublient pas. Et quand elles voient qu'on s'intéresse à elles, elles sont très ouvertes, très ouvertes. Alors, ce que je dirais aussi, c'est que, mais on n'a pas trop le temps, sinon il faut 3 heures, hein, si on veut, peut-être plus encore, peut-être là 2 jours. J'ai parlé tout à l'heure de difficulté de communiquer et d'aphasie, hein, c'est-à-dire la difficulté de communiquer avec les personnes. Après, avec des personnes qui sont très avancées dans la maladie d'Alzheimer, c'est sûr, avec des troubles cognitifs, on va utiliser peut-être moins le verbal et plus le non-verbal. Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce que le non-verbal, c'est toute une attitude face à la personne. Il y a toujours quelqu'un, comme je disais tout à l'heure. C'est pas parce que la personne, elle parle pas, qu'elle comprend pas et qu'elle peut pas communiquer. D'où l'importance des formations, hein, pour les aidants, les professionnels. Ça veut dire que si on a ce regard sur la personne, toujours entendre, c'est ce regard, hein. Je disais aussi tout à l'heure, c'est aménager l'environnement, c'est changer le regard, c'est continuer à voir quelqu'un. Et si vous continuez à voir ce quelqu'un, et si vous savez que quelque part, peut-être que les paroles, elles seront moins efficaces, mais que tout ce qui est le non-verbal, elle va y être sensible, à ce moment-là, vous pouvez encore communiquer avec quelqu'un, vous pouvez communiquer avec la personne. Le regard, le sourire, la voix, la caresse, vous savez, j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai vu des gens qui étaient très avancés, qui parlaient plus, qui étaient grabataires, qui étaient vraiment au-delà de tout. Et à partir du moment où vous preniez le temps de vous arrêter, de vous mettre en face d'eux, de les regarder dans les yeux avec un sourire... Hein, j'en ai eu des petites caresses comme ça, alors qu'on disait que c'est... elle est dans son monde, elle ne bouge plus. Vous voyez, c'est pour ça, il y a toujours quelqu'un. C'est la maladie de l'amour, quelqu'un. La maladie d'Alzheimer. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas accompagner votre malade. Si vous n'aimez pas, si vous avez des antécédents d'une vie qui a été un peu basculée, un couple, eh bien, si vous n'essayez pas de... Il n'y a plus de contact. Donc, le toucher, la caresse, comme dit Anne-Marie... Il n'y a plus que ça qui marche. Et ça, c'est vraiment très, très probant pour les malades Alzheimer. Le regard, surtout. Le regard, le toucher, le sourire, c'est deux... C'est... Même si ce n'est pas nos familles, et ils le sentent, et ils voient notre sourire, et pour eux... et voir qu'on s'intéresse encore à eux... En tant que personne, on s'intéresse à eux en tant que... Voilà, personne à part entière. Moi, je dis, dans nos après-midi conviviales, l'important pour les personnes, pour les aidants comme pour les aidés, c'est qu'ils ne sont pas objets de soins. Voilà. ils sont, comme on disait tout à l'heure, des compagnons avec qui on partage quelque chose. Ils sont, on est à égalité, enfin, on est des personnes avec des personnes. Et ça, mine de rien, c'est thérapeutique aussi. Oui, oui, c'est très important, ça. Alors, comme toute association, je suppose que vous avez besoin de bénévoles. Est-ce que vous voulez lancer un appel à nos auditeurs pour vous rejoindre ? Oui, bien sûr. Ben, des bénévoles, on en a toujours besoin. Bon, voilà, il faut que ce soit des bénévoles qui soient... Assidus, qui soient secrets. Mm-hmm. Parce que, une fois que... Ce qu'on nous dit ne doit pas sortir de ce que l'on fait. Et puis... On les forme. Hein. Conscients quand même, voilà. Puis qu'ils seront formés, et ça, c'est important. Mais des bénévoles, on en a toujours besoin, partout. Et ça, c'est... Au jour d'aujourd'hui, on a de plus en plus... de problèmes de recruter des bénévoles parce que... Les gens veulent plus s'engager. Les gens ne veulent plus s'engager et veulent être un peu indépendants et venir quand ça les intéresse. Et le but du bénévolat, quand on s'engage dans une association, il faut vraiment... S'y tenir et dire, voilà, on part dans ça. Maintenant, on a tous nos aléas de vie. Mais au moins, quand on s'engage, on s'engage. Après, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, comme les personnes qui ont des problèmes cognitifs, elles restent des personnes différentes. Hein, comme avec ces antécédents. Plus on est de bénévoles différents, plus finalement, on va avoir un accompagnement individualisé. Hein, y a des atomes crochus qui sont plus avec celui-là qu'avec celui-là. Mmh. Hein, c'est important aussi. Donc même si on est nombreux comme bénévoles, c'est pas grave. Hein, ça permet justement d'accompagner mieux les gens. Et c'est très formateur pour les bénévoles. Mmh. Moi, je vais dire aussi, c'est une école de vie. Parce que on relativise aussi, hein, vous savez, les choses. Hein. On relativise. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a tout ce qui est non-verbal, tout ce qui passe comme ça. C'est formateur pour les bénévoles aussi. C'est une école de vie. Et puis, on sera différent avec tel malade ou tel malade, parce que il y a des malades, la personne va l'interpeller, alors que l'autre, elle aura essayé, elle sera pas interpellée. Donc, chaque malade a aussi... Individu. Sa vision de la personne qui est là en face, quoi. Donc, on est tous différents dans nos vies, dans l'humain. Donc, Alors, vous savez, on dit des bénévoles, il faut qu'ils soient assidus. C'est une thérapie pour le bénévole. Si vous avez un objectif de vie, quand vous vous retrouvez en retraite, vous n'avez plus rien à faire. Si vous vous faites le matin, je ne ferai pas aujourd'hui, je ferai demain. Si vous vous engagez dans une association, vous savez que vous êtes engagé. Vous savez que tel mardi, vous allez à l'association Alzheimer, tous les jeudis. Et ça, c'est une éducation de vie. Et c'est ce qu'il faut quand on est en retraite, parce que si on va à volo, ça sera aujourd'hui, ça sera demain. Et si on a un objectif, un emploi du temps... À vraiment respecter, c'est une thérapie, parce que c'est un peu ça qui vous donne un peu, qui peut provoquer une maladie comme la maladie d'Alzheimer, parce que quand vous vous ennuyez, vous vous isolez, vous allez aller au cinéma, vous aurez été trois fois au cinéma, puis vous n'avez plus envie d'y aller, vous n'allez pas aller boire un coup à tout moment, tandis que si vous êtes engagé, c'est une mission. C'est une mission, c'est comme un travail. C'est un but. C'est très bon, ça, pour éviter de s'ennuyer et de s'isoler. Là, vous êtes, puis là, vous faites partager, vous donnez de votre temps. Et c'est apporter quelque chose à l'autre. Ah oui, c'est donner de votre temps. Oui. En plus de donner du temps, est-ce qu'on peut aussi faire des dons à l'association ? Oh ben, oui, bien sûr. On ne vit qu'avec les dons. On est toujours d'accord pour ça, non. En fait, voilà, il faut savoir que tout à l'heure, Mme Valentin disait que quand les gens adhèrent à l'association, ils paient 30 euros par an. Hein, 30 euros pour une personne, 36 euros, 38 euros pour un couple. On envoie à France Alzheimer 8 euros par personne. Hein, puisque je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du national. Donc il est bien évident que c'est très compliqué de ne vivre qu'avec les adhésions. et éventuellement les aides de France Alzheimer. Donc, l'idée, c'est de répondre à des appels à projets, mais c'est quelquefois pas toujours si simple que ça. Les intervenants qu'on peut éventuellement solliciter, et à chaque fois, il y a un coût, et c'est quelquefois relativement cher. Après, on comprend, c'est logique. Bon, si on veut varier les activités des personnes, quelquefois, il faut laisser de l'argent. Quand on fait des sorties, on va demander une participation aux familles, mais qui est en général la moitié de ce que ça coûte. Ça nous a coûté. Donc tout ça, il y a besoin d'argent. Donc c'est vrai qu'on a des dons. Alors on a des clubs services qui ont été très sympas, qui nous ont donné de l'argent. On a des associations un peu caritatives qui nous donnent aussi un petit peu d'argent. On a eu des legs. Et ça, ça a été très aidant pour nous, parce qu'on peut quand même assurer nos actions. Mais c'est vrai que les dons, je suis pas, mais je sais très bien qu'il faut qu'il y ait, si on veut faire tourner et si on veut donner du plaisir aux gens, ça a un coût. Malgré tout, évidemment, il y a la présence humaine à côté, c'est clair. Mais quelque part, de pouvoir faire une sortie, on va peut-être faire une sortie en Alsace au mois de septembre, il faut quand même des sous pour le bus, et puis il faut quand même des sous pour l'entrée, et puis il faut quand même des sous pour le restaurant. Mais tous nos après-midi conviviaux, on fait des goûters et tout ça. Aussi, ça a des coûts Le café qu'on leur offre, le café, les pâtisseries, ça a des coûts, même s'ils ne sont pas très importants, mais à force de cumuler sur l'année, ça a des coûts. Tout ça, c'est Alzheimer 88 qui finance tous nos goûters réguliers que nous avons dans toutes les antennes. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler d'un futur événement à venir. On vous laisse avec Patrick Bruel et Bourville. On se retrouvera juste après sur le 107. Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean aux musettes, et quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle, qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Dont parle chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. Elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Qu'il aimait tant, elle le trouvait le

Comme l'année prochaine, c'est les Jeux Olympiques. Cette année, on nous a proposé l'activité physique adaptée comme thème. Alors bon, à Paris, ils font un memo run, c'est-à-dire qu'ils vont faire une course dans Paris. Enfin voilà, ils ont. Et puis nous, dans les Vosges, alors nous à Épinal, on va faire quelque chose à la Maison Grandemange à Chantraine avec plusieurs disciplines, des choses absolument super, aussi bien activité physique que un petit peu intellectuelle, musicale. Enfin bon, c'est un truc super bien. Je le dis parce que, bah, oui, j'essaye d'attirer du monde. Ouais. Mais vraiment, c'est bien, c'est ouvert à tout public. Les enfants trouveront aussi leur bonheur. Hein, parce que l'idée, c'est de dire, comme on disait tout à l'heure, en fait, une journée mondiale, c'est aussi, il y a aussi un thème qu'on n'a pas trop abordé, mais c'est l'inclusion. Madame Valentin en a parlé, ça veut dire qu'on est des personnes avec des personnes, même avec une maladie d'Alzheimer, porteur d'une maladie d'Alzheimer, hein, mais on reste des personnes à part entière avec d'autres personnes. Et quelque part, bah, l'idée, c'est de faire quelque chose qui est ouvert à tous, qui est accessible à tous. On va passer un bon moment ensemble, on va partager un bon moment ensemble, comme disait Monique. Voilà, donc, alors pour cette année, c'est le 20 septembre à la Maison Grandemange à Chantraine, mais à Remiremont, il y a aussi quelque chose. Alors nous, donc à Remiremont, donc on va faire avec le centre social, donc ça va se passer donc le 20 septembre aussi, la même journée qu'à Épinal. Donc nous, on va faire avec l'intergénérationnel, avec les enfants du centre social, on sera à la Grange Puton pour partager, et on va convier des résidents des maisons de retraite et des foyers autonomie, justement pour partager tout ça. Donc, ça sera de 14h à 17h à la Grange Puton. Et on va faire le relais comme c'est. Ce sera vers les jeux, vers le sport, le sport et les jeux. Et à Chantraine, est-ce qu'il y a des horaires spéciaux ? 14h, 18h. Oui, n'a pas de 14h, 18h. On va faire une marche en forêt. On aura une petite explication sur les. Il y aura deux petites conférences sur l'intérêt du sport adapté. Mais c'est ouvert à tout le monde, parce que c'est de la gymnastique en même temps. Alors, il y a du ping-pong, il y a du basket, il y a du baopao, il y a move truck, il y a du yoga. Prescrit move, il y a du yoga, il y a. J'en ai oublié sûrement. Mmh. Non, c'est vrai que ça peut être sympa. Il y a la table magique. Qui vient les aussi. Casques virtuels. Ah bon, il y a plein de choses. Donc on espère qu'on aura du monde. Voilà. Oui. J'imagine que ça demande pas mal de temps pour mettre tout ça en place un peu. Vous avez mis combien de temps à peu près pour préparer cette manifestation ? C'est-à-dire que c'est toujours embêtant. On est toujours la journée mondiale, elle est toujours le 21 septembre. Donc si on doit mettre quelque chose en place, il faut le mettre avant les vacances, parce que toutes les équipes qu'on pourrait contacter après, par exemple mi-août, tout le monde est en vacances. Si par exemple on contacte les scolaires ou même les équipes, les profs, les maîtres d'école ne savent pas quelles équipes ils auront. On a fait des concerts, c'était difficile d'organiser par exemple avec les chorales et des choses comme ça. Donc tout est en place depuis le mois de juin. Et on a eu beaucoup de chance, parce que on a des personnes de la municipalité de Chantraine qui sont vraiment investis, qui nous ont trouvé des trucs vraiment super bien. Comme je disais tout à l'heure, voilà, on n'a pas vraiment de mécènes ou de gens qui nous donnent de l'argent, mais on a des personnes qui sont tellement enthousiastes et qui sont tellement prêts à nous aider. Qui nous aident. Et voilà, ça c'est vraiment génial. Et puis on a aussi les municipalités, parce que à Remiremont, il y a 2 ans, donc la ville de Remiremont nous a repiqué un bingo biloga. Donc qui est au parc Rodin et qui va grandir comme l'arbre de la vie, qui va grandir comme Alzheimer 88. Est-ce que vous avez prévu de faire autre chose après cette manifestation ? Alors on a la sortie le 29 septembre au parc des Cigognes, et puis on aura le marché de Noël au mois de la fin novembre, début décembre, qu'on doit faire à Colmar cette année. Et puis après, bon, vous savez, on est souple, il peut y avoir des choses qui arrivent comme ça, qu'on n'a pas vraiment prévues, et on prend l'opportunité. Hein, s'il y a un film qui sort et qui parle de la maladie d'Alzheimer, on va dire, bah tiens, allez, on y va, on va essayer de faire un débat. On essaye de prendre les opportunités qui peuvent y avoir. Là, pour l'instant, c'est la journée mondiale. On est un peu fixé. C'est les sorties. C'est remettre en route l'association. C'est remettre en place des activités. Voilà. Et puis après, on va prendre au fur et à mesure les choses. Et donc on attend tout le monde, tout le secteur de Remiremont. Donc l'antenne est ouverte et elle sera heureuse d'accueillir des nouveaux aidants et des nouveaux aidés. Et c'est quoi l'actualité de l'association, que ça soit Épinal ou Remiremont ? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ces derniers temps ? Cette année ? Ou l'année prochaine ? Pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau ? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau ? Alors, bon, on a des projets. C'est sûr, on a des projets à Épinal, on a des projets d'intergénérationnel, peut-être avec une école et, bon, un outil qui nous a été présenté. Voilà, mais ça coûte un peu cher, alors il faut qu'on trouve des sous aussi. Hein. Mmh. Bon. Nous avons toujours de la réflexion dans nos conseils d'administration que nous faisons tous les mois. Voilà. Au siège social à Épinal, après, rue du Maréchal Lyautey. De nouveau, bah, alors c'est toujours nouveau, on va dire, quand on recommence. Bon, on va refaire nos ateliers cuisine, parce que ça, c'est important. On a été aidés l'année dernière par le Rotary de Remiremont, qui nous avait donné le profit de leur marché de Noël devant la mairie. Et ça nous a vraiment bien aidé parce que ça nous a offert pour les malades et les aidants deux sorties à Gérardmer. Il y a vraiment, pour l'instant, on ne va pas dire, il n'y a vraiment, pas vraiment de nouveau. Il y a des choses qu'on va continuer à mettre en place petit à petit. Hein, en fonction du monde qu'on a. En fonction des personnes qu'on a. Alors bon, bah, effectivement, on peut peut-être refaire de la médiation animale. Bon, sûrement, on va refaire ça, c'était sympa. Ou de la médiation équine. Ou de la peinture, mais on va refaire tant que peinture. Nos personnes, nous, on, notre entrée, c'est mardi prochain. Tant que les gens à Épinal ne sont pas revenus à l'association et qu'on n'a pas vu les personnes qui étaient là, eh ben, on ne peut pas trop dire ce qu'on va faire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça va dépendre des gens qui viennent. Voilà. Ça va dépendre de ce qu'ils ont envie de faire. Souvent, on leur demande. Hein, moi, je leur demande. Est-ce que... Alors, ça vous... Alors, évidemment, quelquefois, il y a des demandes un petit peu surréalistes. Hein, quand je disais, est-ce que vous voulez aller à la piscine ? Bon, ça, c'est une chose. Mais il y en a qui aimeraient bien y aller. Mais voilà, bon. Hein, est-ce que ça vous voudriez aller au ping-pong ? On va essayer de mettre en place un atelier tennis de table. Ça, c'est sûr. Hein, cette année. Oui, mais ça va dépendre des gens qui sont là. On va proposer des choses, et puis avec le selon que ça marche ou ça marche pas, on continue, on tâtonne, et puis voilà. Hein, c'est pas, il y avait pas vraiment de choses extraordinaires qui sont prévues. Vous avez aussi demandé combien on avait d'adhérents. Ça tourne autour de 180 adhérents. Oui. 180 adhérents pour le département. Et ils font quoi dans l'association, les adhérents ? Eh ben, vous en avez des actifs, donc dans nos bénévoles, il y a des adhérents, mais aussi des gens qui payent comme ça, des familles qui ont été touchées, qui se connaissent. Voilà, c'est quand même aussi le bouche à oreille, parce que si on a beaucoup d'adhérents, au niveau de Paris, on a quand même plus de poids pour les votes, comprenez ? Après, on va dire que sur une année, à Épinal, il y a à peu près, alors ils ne sont pas là tout le temps, hein, ils peuvent venir une fois, deux fois, dix fois, il y a entre 35 et 40 familles qui fréquentent l'après-midi convivial. Voilà, sur l'année. Hein, il y en a, donc ça peut être pour les après-midi convivial, ça peut être pour des groupes de parole, ça peut être entre 35 et 40 familles qui viennent. Voilà. Pas tous en même temps, hein, bien sûr, mais bon. Puis il y a les adhérents, les bénévoles sont aussi des adhérents. Hein. Ouais. Donc on est bénévole, mais on est adhérent. Et quels sont vos futurs projets avec l'association sur le long terme ? Bah, ça sera en fonction des personnes qui viennent vers nous, parce que beaucoup d'endroits font quand même quelque chose, mais nous, on sera quand même toujours là pour, comme je vous expliquais tout à l'heure déjà, même si on n'est pas toujours des gens d'argent, ça coûte cher de les mettre en accueil de jour. Et puis vous avez aussi la culpabilité de mettre son malade en institution. Alors, vous avez le côté financier, parce que ça coûte cher de les mettre en institution. Et puis, il y a aussi la pression d'abandonner son malade. Vous savez, les gens qui sont chez nous, maintenant, il y a des plus jeunes, d'accord, mais bon, les plus anciens, ils se sont mariés pour le meilleur et pour le pire. Donc, ça veut dire que le conjoint qui doit aider son malade, il se donne l'obligation de s'occuper de son malade jusqu'au bout. Vous comprenez ? Ça, vraiment, c'est important pour nous que l'aidant sache qu'il peut les amener chez nous, qu'il peut... C'est pas un abandon. Il comprend qu'on s'occupe de son malade gentiment, hein, avec tout l'amour qu'on doit lui donner. Alors, après, quand vous parlez de projet, c'est sûr que dans l'idéal, il faudrait qu'on n'existe plus. Parce que ça voudrait dire que il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper des personnes. Malheureusement, on est encore là pour un petit moment. Donc, les projets... Alors, c'est aussi essayer de rechercher... Par exemple, on a des projets de mobilité. On a beaucoup... C'est très compliqué pour les personnes. Parce que, comme disait Mme Valentin tout à l'heure, ça touche quand même majoritairement des personnes qui sont un peu âgées. Et souvent, par exemple, le monsieur conduit, mais pas l'épouse. Et donc, ben, si c'est le monsieur qui est malade, comment on fait pour la voiture, hein, des choses comme ça. Donc, la mobilité, c'est quelque chose de difficile. Donc, ça, c'est une piste de réflexion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Est-ce que... Alors, évidemment, pas chez une voiture, parce que c'est compliqué, hein, mais voilà, ça, c'est un projet important. Hein, essayer d'aider les gens dans leur mobilité. Voilà. Après, les projets importants, c'est d'être présent quand il y a des décideurs pour essayer de, justement, d'améliorer la situation des personnes. Vous savez, il y a un truc quand même, on n'a pas trop vu dans le journal, hein. On a parlé beaucoup jusque-là quand on parle du gouvernement, des retraites, on a parlé, qu'est-ce qu'on parle? On a plein de choses, hein, de bons projets. Puis pendant cet été, il y a un tout petit entrefilet qui est passé, comme quoi la loi grand âge, eh ben, elle a été reportée sine die, on ne sait pas quand. Alors que ça fait des années qu'on dit qu'il faut une loi grand âge. Vous voyez, comme quoi on a intérêt à continuer à militer et à voir auprès de nos responsables politiques, hein, donc cette loi grand âge qui devait être là pour, hein, aider nos aînés, ben, elle a été reportée. On parle de l'euthanasie, on parle de tout ça, mais ça... Comme ils ont déremboursé les médicaments. Comme ils ont déremboursé les médicaments. Mais d'accord. C'est vrai que la mobilité est un frein. Et c'est ça qui bloque aussi, parce que nous, on a des familles qui voudraient bien venir, mais il n'y a personne pour les amener. Et ça, c'est un frein énorme. Et pour l'instant, on ne trouve pas comment. Nous ne sommes pas là pour aller chercher les gens à domicile. Il faut qu'ils viennent d'eux-mêmes par leurs propres moyens. Et ça, il faudrait que l'avenir... nos élus réfléchissent à ça, qu'il y ait des transports adaptés, justement pour amener dans nos après-midi conviviaux ces familles. Parce que... Nous, le gros problème à Remiremont, le frein, il est là. C'est comment se rendre dans nos après-midi conviviaux. Et puis ça ouvre d'une manière plus générale, hein, parce qu'on dit se rendre dans les après-midi conviviaux, mais ça veut dire la mobilité, ben, pour aller faire des courses, pour aller, je sais pas trop, hein, chez le coiffeur. Là, ça devient très compliqué pour des personnes qui ont un grand âge. Ça, c'est un truc à travailler. Mais bon, ben, disons que ça nous concerne aussi. Ça nous concerne, mais ça concerne nos élus à réfléchir pour le grand âge. Qui viendront ? Qui vient ? Comment allons-nous faire pour que nos personnes restent quand même actives dans la société ? Parce qu'elles ont toutes leur tête, mais n'ayant plus le droit de conduire, comment s'y rendre ? Et ça, c'est de la réflexion, et on en a déjà parlé à des élus. Comment faire pour mettre, justement, aller chercher ces gens-là à domicile? Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Eh ben, on a un site Internet, on a une adresse Internet. Alors, puis on est sur, bon, vous faites France Alzheimer, France Alzheimer 88, on est, voilà, vraiment, on est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur quoi encore? Oh là là, on a essayé Instagram. On a même un QR code depuis hier. Bon, on essaye de se mettre vraiment à la portée des gens. Bon, voilà, on essaie de s'adapter aussi aux nouvelles technologies. Bon, normalement, c'est facile de nous trouver. Il y a un seul numéro de téléphone. C'est pas parce qu'on veut pas, hein. On est à Épinal, au 15 Ter rue Maréchal Diouté. Et le numéro de téléphone, c'est le 0329 35 36 19. Sachant que si on a un téléphone, quelqu'un qui nous téléphone du secteur de Remiremont, nous, on rebascule sur Remiremont. Si c'est quelqu'un qui est de la région de Vittel, on rebascule sur Vittel, hein. C'est plus facile que de retenir 10 numéros de téléphone. Il y a un numéro de téléphone, le 0329 35 36 19. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à l'association France Alzheimer 88? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Qu'on continue à trouver des bénévoles, qu'on continue à avoir cette ambiance chaleureuse qui apporte autant, on va dire, aux familles qu'aux bénévoles, cet échange, cette convivialité, et qu'on veut partager avec le plus de familles possible, en gros. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça nous apporte pas plus d'argent, c'est pas l'argent qui compte dans ce cas-là. Dire c'est dommage, parce qu'on existe, on a envie de partager, on a envie de donner, les personnes qui sont avec nous aussi. Voilà, on a envie de faire ça avec le plus de monde possible, parce qu'on dit c'est quelque chose qui peut aider. Voilà, bêtement. Alors bon, ce qu'on voudrait, ben voilà, c'est qu'on arrive à peut-être à faire d'autres antennes, Hein, puisqu'il y a des gens qui sont isolés aussi, peut-être à faire d'autres antennes. Alors ça implique d'autres bénévoles, hein, ça implique... toujours une assiduité. Hein, d'autres bénévoles ailleurs, ça veut dire... voilà, et puis qu'on manque pas d'idées, surtout, ça aussi, il faut nous le souhaiter, parce que... hein, qu'on garde l'intelligence du cœur, ça c'est important. Cette émission a maintenant terminé. Anne-Marie, Marie-Jo et Monique, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir invités. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Ah ben, avec quand plaisir. Vous nous invitez. Avec plaisir. Voilà. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.